était pas mal. Hein. J'aime bien. C'est juste avec une batterie pour voir. On est à 120. Tiens, je balance une batterie. Ah non, 120 ça va pas trop vite. Attends. On va faire 90. 90, on va essayer 90. Ah d'accord, elle est là. J'ai retrouvé la batterie. Ah non. Attention. Don don ding ding ding. C'est chiant ces trucs là, ces machines.